Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mort de Yasser Arafat le 11 novembre 2004. Dans la patrie, il y a les os de nos ancêtres. Et moi, je serai enterré là-bas si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance. Et je cherche une place où être enterré. Quand Yasser Arafat accorde cette entrevue à Beyrouth en 1977, il sait qu'il peut mourir à tout moment, mais il ne peut absolument pas à ce moment-là prévoir l'endroit où il sera enterré. En 1977, Yasser Arafat est en exil forcé au Liban et le combat de son peuple pour la reconnaissance d'un État palestinien fait du surplace. Yasser Arafat meurt finalement le 11 novembre 2004 et c'est à Ramallah qu'il sera enterré. Arafat, il y a trois choses qui me restent en mémoire de cet homme. D'une part, sa volonté d'indépendance extraordinaire. Il a construit une nation. Tout autour de la Palestine, il y a des nations, il y a des gouvernements pourris. La Syrie, la Jordanie, l'Égypte, qui ont toujours essayé de mettre de la main, de corrompre le mouvement national palestinien, de le coloniser, de se le soumettre. Arafat a résisté. La deuxième chose qui me frappe en lui, c'est bien sûr le courage physique extraordinaire à Tripoli, à Beyrouth encerclé, à la Marsa sous les bombardements et à Ramallah, quand je l'ai vu la dernière fois, c'était vraiment pas beau à voir, c'était des ruines tout autour. Troisième chose qui me reste en mémoire de lui, c'est sa volonté de justice sociale. La société palestinienne est une société très très compliquée, elle a une bourgeoisie féroce et probablement ces gens-là auraient voulu faire une croix sur les réfugiés. Arafat a toujours refusé de laisser tomber. C'est la partie la plus pauvre du peuple, et surtout ceux qui sont en exil. Il a refusé à Camp David, il a fait sauter Camp David. Il aurait eu l'occasion là de devenir chef d'État à Camp David, sans aucun problème, s'il avait accepté le plan Barak. Ce n'était pas un saint du tout, mais enfin, il a unifié le pays, mais le pays est là. Le sociologue Jean Ziegler, en entrevue au journal télévisé suisse du 11 novembre 2004, jour de la mort de Yasser Arafat, pour nous rappeler les circonstances particulières qui entourent cette mort de Yasser Arafat, mort autour de laquelle, d'ailleurs, plane toujours un certain mystère. Je reçois ma collègue, la journaliste Manon Dlebensky, qui a été correspondante pour la radio de Radio-Canada à Jérusalem entre 2004 et 2007. Manon Dlebensky, bonjour. Bonjour. Manon, avant de parler de la mort de Yasser Arafat le 11 novembre 2004, un mot pour... peut-être nous rappeler le symbole qu'il a été, ce qu'il a représenté, ce qu'il représente peut-être toujours d'ailleurs pour les Palestiniens. C'était vraiment un héros, là, le héros déterminé de la cause palestinienne, une figure emblématique, même si tout le monde endosse pas, bien sûr, le terrorisme qui a marqué la lutte de l'Organisation de libération de la Palestine, qui ne reconnaît pas Jacques Yasser Arafat, coiffé de son éternel keffiyeh noir et blanc, un keffiyeh d'ailleurs auquel il faisait prendre la forme de la Palestine là, en le coiffant sur sa tête. Il y a peu de gens qui savent ça. Il a été vraiment à la fois combattant et artisan de la paix, puis à la fin de sa vie, certainement le symbole de l'impossibilité pour les Palestiniens de vivre librement sur les territoires qu'ils considèrent comme les leurs. Oui. Un combat donc qui aura duré toute sa vie et qui, à un certain moment, autour de ce prix Nobel qu'il va recevoir, le prix Nobel de la paix que reçoit Yasser Arafat, mais conjointement avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres en 1994. Autour de cette période, donc de la remise de ce prix Nobel, on s'est rapproché, peut-être plus que jamais, d'une résolution pacifique de ce conflit israélo-palestinien, parce que ce Nobel-là, il récompense les accords d'Oslo. Partons peut-être de là pour refaire un peu le chemin à rebours, Manon Dlebensky, le parcours, en fait, de Yasser Arafat, ce qui va le conduire jusqu'à cette presque paix au Proche-Orient. Arafat, il est né au Caire en 1929. C'est important parce que plus tard, il va affirmer être né à Jérusalem et au moment de sa mort, on l'a déjà un peu évoqué, mais ça va être déterminant là, de savoir où il est né. Il est sixième de sept enfants et Yasser, c'est son surnom. Ça veut dire « facile à vivre ». Sa famille, donc son père est originaire de Gaza, c'est un riche marchand d'épices, propriétaire terrien. La famille de sa mère vient de Jérusalem. Et jeune, il est vraiment très engagé. Par exemple, au début des années 50, quand il fait ses études universitaires en génie, c'est pas l'université qui l'occupe le plus, c'est vraiment son activisme palestinien. Et sans en devenir membre, il fréquente aussi à ce moment-là le mouvement islamiste des Frères musulmans. Ouais. Mais c'est en 59, en fait, quand il travaille au Koweït, qu'il fonde le Fatah. Fatah, ça veut dire conquête. Et il s'occupe d'un journal à cette époque-là. Et dans ce journal, il préconise la lutte armée contre Israël, qu'il appelle l'ennemi sioniste. Alors, je pense qu'on a là, Jacques, les fondements de l'Organisation de libération de la Palestine, qui va être créée en 64, mais ce n'est que 3 ans plus tard, je dirais, là, au moment de la guerre des six jours, quand Israël prend Gaza, la Cisjordanie, la vieille ville de Jérusalem, que la carrière de Yasser Arafat débute vraiment, parce que le Fatah, qui est comme la branche politique de l'OLP, décide d'accentuer la lutte armée. Ils vont suivre les décennies sanglantes qu'on connaît, les attentats, les détournements d'avions. Rappelez-vous l'attaque contre les athlètes israéliens à Munich. Ouais. Et ce ne sera que dans les années 80, vers la fin des années 80, que l'OLP renoncera à la violence. Arafat lui-même et l'OLP n'ont pas eu la vie facile. Jean Ziegler l'évoquait. Le mouvement établi d'abord en Jordanie est contraint de quitter pour le Liban, où il va s'installer en pleine guerre civile. Il va être contraint de quitter de nouveau pour Tunis. Il y a de nombreuses tentatives d'assassinat contre Yasser Arafat. Et je dirais, il rend la sympathie envers la cause palestinienne difficile. Mais oui. En même temps, dans les années 70, il est vraiment vu comme le représentant légitime du peuple palestinien. Même à l'ONU, il y a des étapes absolument. Dans ce chemin que vous décrivez. Mais en 74, il s'adresse comme représentant palestinien au parterre qui se retrouve à New York, à l'ONU. Et c'est toujours vers lui qu'on se retourne. Par exemple, en 88, alors que la première intifada fait rage, Arafat décide de s'engager dans une espèce de démarche diplomatique. Il reconnaît de facto l'État israélien et il veut obtenir son État palestinien. Alors, il y a les négociations secrètes d'Oslo qui mènent donc à ce processus de paix que vous avez évoqué, la fameuse poignée de main à Washington en 93 avec Yitzhak Rabin et ce prix Nobel avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres en 94. Mais c'est important de le souligner, ce n'est qu'à partir de juillet 1994 que Yasser Arafat va vivre vraiment en territoire palestinien, à Gaza d'abord, puis à Ramallah, en Cisjordanie. Oui. Avec cette élection comme président d'autorité palestinienne en 1996, ça c'est vraiment donc en quelques minutes, mais quand même ce parcours, ce long parcours du combattant avec toujours en tête ce même objectif, l'État palestinien. Au début des années 2000, les choses se compliquent pour Yasser Arafat. Il est affaibli politiquement. Il se trouve isolé, en fait, dans son quartier général de la Moukata à Ramallah. Parlez-nous de cette période-là, Manon. Qu'est-ce qui explique, parce qu'il avait eu quand même cette stature dont on vient de parler, qu'est-ce qui explique cette mise à l'écart d'Arafat au début des années 2000? Vous l'avez dit, donc Arafat est devenu en 96 le président de la toute nouvelle autorité palestinienne. Le processus de paix suit son cours. Jean Ziegler l'évoquait, le sommet de Camp David est un échec et les deux parties s'en rejettent la faute. Et puis, en septembre, Ariel Sharon, qui n'est pas encore premier ministre, prend sa marche sur l'esplanade des mosquées en septembre 2000 et il met le feu aux poudres. La deuxième intifada est lancée. Et même si l'intifada est menée par un autre mouvement, par Marwan Barghouti, Arafat l'a fait vraiment sienne en encourageant la résistance à ceux qu'il appelle désormais les usurpateurs israéliens. Donc, quand le 11 septembre 2001 arrive, que la guerre au terrorisme mondial est déclenchée, Arafat apparaît de moins en moins comme l'homme de la situation. Il est assigné à résidence dans l'ancien complexe administratif britannique qu'on appelle la Moukata, à Ramallah. Les Israéliens assiègent d'ailleurs la Moukata. Ils y contrôlent l'eau potable, les denrées. Ils vont même tenter de la détruire, cette Moukata, à quelques reprises. Le siège est un peu en accordéon, Jacques, hein, parce que parfois Arafat peut sortir. Et parfois, malgré sa santé fragile, il ne peut pas. Moi, je l'ai rencontré en personne une seule fois, en 2000, lors d'un voyage officiel de Jean Chrétien au Moyen-Orient, et déjà, on avait l'impression d'un homme frêle. Il y avait ce léger tremblement des lèvres provoqué par un Parkinson. Oui. Donc, des années très, très difficiles. Les dernières années de sa vie, il est, pour ainsi dire, en résidence surveillée. Arrive, et on se rapproche donc du thème de cette émission, de la mort d'Arafat, arrive le mois d'août 2004. C'est à ce moment-là que vous vous installez à Jérusalem comme correspondante. Et à ce moment-là, déjà, on sait qu'il y a Yasser Arafat est malade. Et là, donc, s'engage une espèce de tractation qui va finalement lui permettre de quitter Ramallah pour aller se faire soigner en France. Mais ça va être difficile et long, cette négociation-là. C'est au mois d'octobre qu'il part pour la France. Racontez-nous cet épisode. Quels sont les tenants et aboutissants de cette négociation, Manon Lubinsky? Ouais, c'est vraiment cette histoire qui a rythmé mes premières semaines de correspondante de Radio-Canada au Moyen-Orient. Je suis arrivée au mois d'août, si je me souviens bien. Les rumeurs déjà là, sur les problèmes de santé d'Arafat circulaient. Il y avait ce Parkinson, donc. Et puis, un an plus tôt, on avait dit ou on avait cru qu'il avait subi un infarctus. Est-ce que c'était la grippe? Ou est-ce que c'était des problèmes d'estomac? Mm. Toutes ces explications avaient fait surface là, en octobre 2003, quand on avait vu Arafat publiquement pâle, amaigri. Et les Israéliens, qui vraiment, je pense, à ce moment-là, étaient convaincus d'être devant un chat à neuf vies, laissaient clairement entendre que si Arafat partait se faire soigner en Jordanie, en Égypte, bien, il ne lui serait pas permis de revenir. Oui. Alors, c'est dans ce climat-là qu'en octobre 2004, on dit qu'Arafat est malade de nouveau. Il se plaint de douleurs à l'estomac, de vomissements. Et le 23 octobre, il y a une équipe de médecins tunisiens qui vient à la Moukata. De nouveau, officiellement, c'est une grippe. Sauf que cette fois-là, ça semble vraiment grave parce qu'Israël donne la permission au leader palestinien d'aller se faire soigner où il veut. Et Arafat, quelques jours avant de partir, se réconcilie avec Mahmoud Abbas, qui a été son premier ministre, mais qui a démissionné. Donc, on sent une espèce de passation des pouvoirs, en tout cas temporairement. Le 28 octobre, les Français confirment que Arafat a demandé à se rendre en France et ils lui en donnent, bien sûr, la permission. Mais je vous dirais que ce qui a été le plus intéressant, ça a été de déterminer à quel moment il allait partir. Parce que dans la vaste cour de la Moukata, les Palestiniens avaient disposé des barils remplis de tiges de fer. Ils avaient éparpillé des carcasses de voitures écrasées par les tanks israéliens pour empêcher les hélicoptères israéliens d'atterrir. Alors, dans la nuit du jeudi au vendredi, ces obstacles-là sont disparus. Mm-hmm. Et donc, à 6h30 du matin, le 29 octobre, je suis là et pour voir atterrir deux hélicoptères jordaniens et voir ce petit homme frêle coiffé d'un bonnet de fourrure monter à bord sous vraiment les acclamations des soldats palestiniens et de quelques enfants qui étaient accrochés aux clôtures. On scandait, là, on sacrifie nos cœurs, nos armes et nos vies pour toi, Abou Ammar. Abou ouais. Ammar, son nom de guerre. Et Arafat murmurait, dit-on, à ceux qui étaient le plus proche de lui, « Je reviendrai un jour si Dieu le veut ». Mais je vous avoue, Jacques, que moi, je me souviens à ce moment-là d'avoir été surprise de voir qu'il y avait quand même peu de gens présents. Il y avait dans l'air comme un mélange de dévotion et de fin de règne. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart, le 11 novembre 2004 à 3h30. En direct, le journaliste d'Al Jazeera annonce au monde arabe la confirmation officielle du décès. Jacques Chirac avait été le seul chef d'État à se déplacer au chevet de Yasser Arafat. Ce matin, il est revenu soutenir sa famille dans le deuil. Je suis venu m'incliner devant le président Yasser Arafat et lui rendre un dernier hommage. J'ai présenté à son épouse, à sa famille, à ses proches, mes très sincères condoléances. Dehors, la tristesse se lit sur les visages des sympathisants palestiniens. J'ai avant tout un sentiment personnel. Arafat me manque. Il nous manque. Ils sont nombreux à s'être déplacés à Clamart pour rendre un dernier hommage à leur leader. La dépouille de Yasser Arafat quitte l'hôpital, recouverte d'un drapeau palestinien. Cet après-midi, le vieux leader a entamé son dernier voyage. Extrait du journal télévisé de France 2, le 11 novembre 2004, jour du décès de Yasser Arafat. Dans quelles circonstances meurt donc Yasser Arafat, Manon Lubinsky? Alors, ça fait deux semaines hein, qu'il est hospitalisé à cet hôpital militaire français là, de Clamart et les rumeurs ont vraiment fusé pendant tout le temps où il a été là. D'ailleurs, le 4 novembre, donc une semaine avant, la radio militaire israélienne a annoncé la mort d'Arafat, de source française, disait-on. Ce qui a été démenti immédiatement et de façon véhémente par les autorités palestiniennes. Mais la rumeur a quand même persisté. On disait Arafat a été maintenu en vie artificiellement le temps qu'on décide de son lieu d'inhumation. On le rappelait là, tout à l'heure, cette histoire de Jérusalem. Pour les Israéliens, il était hors de question que Arafat soit enterré à Jérusalem, même dans ce Jérusalem-Est que les Palestiniens réclament comme leur. Et à Ramallah, où j'étais, c'était un suspense quotidien jusqu'à ce que ce médecin militaire là, vienne confirmer le 9 novembre que Arafat était dans un coma profond. Et là, le 9 novembre, Reuters, donc une autre agence de presse, annonce qu'il est mort. Les Palestiniens démentent. Le président français, Jacques Chirac, qu'on vient d'entendre, s'est même rendu à son chevet là, pour officialiser cette idée qu'il n'était pas déjà mort. Et officiellement, il est mort à 3 heures du matin, le 11 novembre. Je ne me souviens pas qu'on ait précisé la cause de sa mort immédiatement, mais en fait, depuis que son état de santé s'était aggravé, Jacques, il courait vraiment des rumeurs chez les Palestiniens qu'il avait été empoisonné par les Israéliens, ce que Israël a toujours démenti. Ouais. Rappelez-vous, peut-être, à l'époque, il y avait eu, début septembre, cette histoire là, de l'empoisonnement du leader ukrainien Viktor Yushchenko, et cette théorie de l'empoisonnement circulait donc pas mal, je dirais. Oui. Donc, il meurt en France le 11 novembre. Son cercueil arrive à Ramallah le lendemain de sa mort, le 12 novembre 2004. Et vous êtes sur place, Manon de Leminski, pour témoigner en direct de cet événement au Radio-Journal de 8 heures. Bonjour mesdames, messieurs, ici Raymond Archambault. Des milliers de Palestiniens ont envahi le quartier général de la Moukata à Ramallah, en Cisjordanie, afin de s'approcher du cercueil de Yasser Arafat qui revenait du Caire en Égypte. La cérémonie d'inhumation à la Moukata doit commencer sous peu. Au milieu de cette foule, nous allons retrouver notre correspondante, Manon Globenski. Manon, les forces de sécurité ont eu beaucoup de mal autour de l'hélicoptère tout à l'heure. Ce matin, il y a une foule ici qui attendait l'arrivée des hélicoptères et de la dépouille de Yasser Arafat. Les gens sont littéralement perchés partout sur les toits à travers les décombres de ce quartier général qui a été dévasté par les Israéliens au cours des années. Et il y a, bien sûr, on entend des tirs sporadiques parce que c'est la coutume. Bon, on tire dans les airs, les Palestiniens saluent. En fait, le retour d'Arafat chez lui. Bon, son cercueil doit être déposé un petit peu plus tard dans un mausolée à la Moukata. Un mausolée, donc, qu'on a construit en toute hâte et qui, donc, dans lequel son corps, qui est dans un cercueil de béton, a occupé. Mais on dit que c'est temporaire, puisque le rêve de Arafat, c'est d'être enterré un jour sur le plat des mosquées à Jérusalem. Et on a amené de la terre de Jérusalem justement pour symboliser ce retour éventuel du corps d'Arafat vers Jérusalem. Bon, alors Manon de Leminski, revenons sur ce qu'on vient d'entendre. Quel souvenir vous gardez de ce moment très particulier qu'a été cette cérémonie à la Moukata, le quartier général de l'autorité palestinienne, le 12 novembre 2004? C'est vraiment cette folie pure, ce chaos, cette douleur exprimée dans le chaos. Hein. Je pense les autorités avaient prévu plein de choses, qu'ils soient dans une espèce de chapelle ardente devant des dignitaires, mais rien de ça n'est arrivé. Certains des collègues avaient décidé de suivre tout ça sur les toits des maisons environnantes. Moi, j'avais décidé d'être en plein milieu de cette cour de la Moukata où les hélicoptères ont atterri et j'ai vu des hommes pleurer et j'ai vu... on les entendait, là, ces tirs. Moi, j'arrêtais pas de me dire tout ce qui montre descend. Je me demandais où allaient les balles perdues. Ça fait peur, quand même. Oui. Alors, c'est reçu comment? Par les Palestiniens, par le monde arabe aussi, cette mort de Yasser Arafat. Dans la rue palestinienne, on a l'impression qu'ils ont perdu un père. Et pendant un moment, là, tous les reproches, corruption, inefficacité, tout ça est effacé. Mais il y a la joute politique aussi là, qui s'installe. Mahmoud Abbas va réussir à s'imposer en successeur, si on peut le mettre entre guillemets, d'Arafat aux élections de janvier suivant, janvier 2005, mais c'est sûr que ce n'est pas un Arafat. On n'en a pas retrouvé d'Arafat. Certains pensent que Marwan Barghouti pourrait être un leader charismatique, mais il purge quand même 5 peines de prison à vie consécutive, Barghouti, pour le meurtre de 5 Israéliens et son soutien au terrorisme. Oui. Donc, pas de grande figure, et je pense même au jour d'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé cette stature qu'avait Arafat. Un mot sur la réaction des Israéliens à cette mort-là, Manon. Oui. Ariel Sharon est vraiment déterminé à voir dans la disparition d'Arafat un tournant pour le processus de paix et ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que confronté à l'évolution démographique des Palestiniens, Sharon veut faire avancer la paix. Il propose ce fameux retrait unilatéral des colons de Gaza et d'une colonie de Cisjordanie. Bien, il va essayer, bien sûr, il va finir par décréter qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable devant lui et il a beau jeu de le faire parce qu'il y a aussi ce grand désaccord entre le Fatah et le Hamas qui va mener presque à une guerre civile à Gaza en 2007 que je vais couvrir. Donc, le processus de paix à partir de là prend la tournure qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'impasse. Oui. On a déjà évoqué dans cette émission, vous le disiez là, à partir du moment où il part pour la France, se faire soigner dans cet hôpital français, toutes sortes de rumeurs vont courir en Palestine, à Ramallah en particulier, et ces rumeurs vont pas cesser avec sa mort, une rumeur d'empoisonnement entre autres, tant et si bien qu'on va même exhumer le corps de Yasser Arafat le 27 novembre 2012 pour faire un état des lieux, analyser en fait le corps, ce qui en reste. Un petit mot en terminant, Manon, sur... Puis il y aura encore là toutes sortes de rumeurs et théories plus ou moins sérieuses. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le recul? Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de sa mort? Bien, je pense qu'on peut dire qu'on ne sait pas grand-chose, finalement, parce qu'il n'y a pas de cause officielle de la mort, là, sauf une vague condition médicale, mais qui est comme le résultat d'autre chose. Et ces expertises qu'on a faites, suisses, russes et françaises, sur le corps d'Arafat, bien, elles ne sont pas concluantes. Certains concluent à la présence de polonium-210, d'autres disent non. Et surtout, je pense qu'on constate l'absence de preuves directes de l'empoisonnement d'Arafat. Donc, je pense qu'on ne saura jamais vraiment de façon concluante. Manon Dlobinsky, c'était un bonheur de vous recevoir pour vous entendre témoigner de cette tranche importante de l'actualité à l'époque que vous avez eu la chance de couvrir, mais vraiment aux premières loges. Reporter national à la radio, on vous entend régulièrement à l'animation de l'émission Midi Info. Merci beaucoup, Manon. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.